Na wele bane furu koni ma kanu furu kera jago bolo ye a dame be bana. Yeah. ma ou yo na ou ma ou te ou te ke para la. Nou jam